Allô? C'est toi, Luc? Salut Sophie! Alors, ces vacances à la montagne, c'était bien? Moi, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Pourquoi? Oui, on a fait du ski, mais je suis tombée et je me suis cassé le bras. Quoi? Tu as le bras cassé? Et ça va mieux? Non, je suis rentrée de l'hôpital hier. J'ai encore mal. Oh là là! Tu es malade en plus! Ouais, j'ai un mauvais rhume. J'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre. Eh ben, ma pauvre. Bon, eh bien, soigne-toi bien. Merci, Luc. À bientôt. Ouais, à bientôt.